Chapitre 9e. Pour rendre justice à chacun, il faut dire que M. de Ries était alors beaucoup plus malheureux que sa femme. Pendant qu'elle s'étourdissait bruyamment de sa jeunesse, de sa beauté et de ses succès, son mari méditait fort tristement sur les ruines de ses dernières illusions et voyait avec une profonde amertume son ménage prendre la plus misérable et la plus vulgaire tournure. Un soir de janvier, après avoir promené quelque temps sur le boulevard ses sombres pensées, il entra machinalement dans un théâtre voisin, où la foule se portait à cette époque avec une curiosité empressée. On y fêtait les débuts éclatants d'une jeune actrice nommée Jeanne Silva, qui était arrivée récemment de Russie avec une réputation méritée de beauté et de talent. Mademoiselle Jeanne Silva, quand elle avait quitté quelques années auparavant Paris pour Saint-Pétersbourg, était une soubrette de troisième ordre. Partie à l'état de simple nébuleuse, elle revenait avec le rang d'une étoile de première grandeur, et le public parisien confirmait chaque soir par ses applaudissements la légitimité de cette rapide promotion. Lionel, qui n'avait pas encore vu Mademoiselle Silva, mais qui en avait beaucoup entendu parler à son cercle, fut fort étonné de reconnaître en elle une figurante obscure qu'il avait autrefois rencontrée dans quelques coulisses, et qu'il n'avait pas remarquée autrement. Il admira, comme tout le monde, sa brillante métamorphose et crut devoir aller lui en faire compliment pendant un entr'acte. Nous avons quelquefois ouï dire dans le monde que le prestige des comédiennes cessait dans les coulisses, où l'on peut voir de près tous les horribles artifices dont elles ont soin, comme Jézabel, de peindre et d'orner leur visage. Suivant nous, c'est une erreur, et si le prestige des comédiennes cesse quelque part, ce qui est possible assurément, ce n'est pas dans les coulisses. C'est là, au contraire, qu'il se montre dans toute sa puissante et singulière fascination. Le blanc, le rouge, le noir, le bleu, dont elles se servent pour mettre leur beauté dans la perspective théâtrale, leur prête, en dehors de la scène, un éclat étrange et un peu surnaturel, qui en fait des sortes de fantômes très séduisants. Toute cette alchimie dont elles se parent a de plus l'avantage de sentir fort bon, et de répandre autour d'elle une atmosphère musquée qui a son ivresse. Nous ne conseillerons donc pas aux mères de famille d'envoyer leurs fils dans les coulisses pour les décourager des amours de théâtre. L'épreuve, nous le croyons, tournerait au rebours de leurs espérances. Lionel trouva Mademoiselle Silva enveloppée de cette lumière d'apothéose que jettent derrière la scène les feux éblouissants du gaz. Elle était debout, et recevait avec des grâces et des sourires de reine les hommages d'un cercle de fanatiques en cravate blanche. M. de Ries attendait que la foule s'éclaircît pour s'approcher à son tour, quand il vit le regard de la jeune actrice s'attacher tout à coup sur lui et ses traits s'empreindre subitement d'un sérieux extraordinaire. Elle demeura un moment muette et immobile, puis, fendant le groupe qui l'entourait, elle vint poser le bout de son gant sur le bras de Lionel. « Vous voilà donc, » lui dit-elle. « Vous me faites l'honneur de me reconnaître, mademoiselle, » dit Lionel, dominant une assez vive surprise. « Naturellement, » dit-elle en riant, comme si elle lui répondu à quelque pensée intime. Puis, redevenant sérieuse et le regardant fixement avec ses grands yeux aux cils peints, « Vous voilà, » reprit-elle avec un long soupir. « Eh bien, il faut avouer qu'il y a de bons moments dans la vie. » Et après une pause, elle ajouta, « Vous n'y comprenez rien, n'est-ce pas ?»« Mon Dieu, mademoiselle, pardon, mais ne commettez-vous pas quelque méprise ?»« Oh non, monsieur de Ries, non, je vous assure, » reprit mademoiselle Silva, avec une inflexion de voix d'une douceur infinie. « Mais dites-moi franchement, comment me trouvez-vous ? » ?»« Très belle. » Elle eut un geste d'impatience. « Oui, » reprit-elle, « mais ai-je du talent ?»« Beaucoup. Vous m'avez extrêmement ému tout à l'heure. Vous êtes une grande artiste. » « Eh bien, » dit-elle gaiement, « je le répète, il y a de bons moments dans la vie. Au revoir, monsieur. »« Mais enfin, mademoiselle, » dit Lionel, « vous ne pouvez pas me quitter comme cela. Il y a entre nous un mystère, une énigme, je ne sais pas quoi. Est-ce que je ne peux pas en connaître le mot ?»« Est-ce bien utile ?» dit mademoiselle Silva, en penchant de côté sa jolie tête. « Cela me sera fort agréable. »« Je ne sais pas. Vous êtes marié, à ce qu'il paraît. » M. de Ries s'inclina légèrement avec gravité. « Au surplus, » dit-elle, « vous êtes mariée. Je suis une vieille femme. Elle avait 28 ans. Nous pouvons donc traiter cette histoire de jeunesse comme un pur enfantillage. Et en réalité, ce n'est pas autre chose. Ainsi, mettez-vous là. » Elle le fit asseoir près d'elle, dans un coin retiré sur un banc de jardin. « Monsieur de Rias, » reprit-elle, « vous souvenez-vous d'avoir rencontré quelquefois dans ces mêmes coulisses, il y a 5 ans, une humble fillette qui s'appelait alors Jeanne tout court ?»« Je m'en souviens parfaitement. » »« Imparfaitement serait plus vrai, je crois, mais n'importe. » Je n'avais alors ni figure ni talent. Mais j'avais un cœur très tendre, très ardent et très ambitieux. Vous veniez souvent ici pour flirter avec mes grandes camarades, et vous me paraissiez un homme, comment dire cela, non pas très beau, mais très bien, supérieurement distingué. J'ai un pied de blanc sur les joues, Dieu merci. Je ne me permettais pas de vous aimer, grand Dieu, mais je me permettais de vous admirer. Je n'étais rien. Cependant, il me semblait que si vous m'adressiez un mot de bonté et de sympathie, cela me donnerait un courage de lionne, et que je deviendrais quelque chose. J'essayais un soir d'attirer votre attention, et comme vous passiez près de moi pour porter vos hommages à ma plus grande camarade, que je détestais cordialement par parenthèse, pauvre bonne femme, je lui pardonne à présent. Je laissais tomber à vos pieds une fleur de mon bouquet, un brin de lilas blanc, je me rappelle, histoire d'engager la conversation, vous comprenez? Vous mîtes tranquillement votre botte sur mon lilas, et remarquant mon pitoyable petit visage, vous crûtes m'avoir heurté, vous me dites « Pardon, ma chère petite », et vous passâtes, allant à vos amours. Moi, je vins me cacher dans ce même coin où nous voilà, et j'y pleurai toutes mes larmes. Comme Mademoiselle Silva en était à ce point de son récit, un régisseur vint respectueusement l'avertir qu'elle allait manquer son entrée. « Ah, mon Dieu !» dit-elle en se levant brusquement. « J'oubliais. » Elle brassa ses jupes d'une main hâtive, repoussa sa traîne d'un coup de talon, composa son visage, et respirant l'air comme un pur sang qui va courir, elle se précipita sur le théâtre. C'était une fin d'acte. Elle y jouait une scène très courte, mais très dramatique. Lionel entendit vaguement sa voix musicale résonner au milieu d'un tel silence qu'on eût cru la salle vide. Puis, un cri navrant auquel répondirent des acclamations prolongées et des rappels frénétiques. Après avoir reparu à 2 ou 3 reprises devant ce public exalté, la jeune artiste, chancelante et haletante, les lèvres ouvertes, les yeux en feu, saisit les 2 mains que lui tendait Lionel. « C'est pourtant à vous que je dois cela, » dit-elle. Puis, se laissant retomber près de lui sur le banc. « Je ne sais plus trop où nous en étions, » reprit-elle. « D'ailleurs, il faut que j'abrège, car je change de robe dans l'entracte. Donc, en 2 mots, dans mon dépit et dans ma douleur, je partis pour la Russie, me jurant d'y laisser ma petite personne ensevelie sous les neiges ou d'en revenir avec du talent. Et voyez comme c'est singulier et comme ces rêves d'enfant sont tenaces. J'ai eu 2 grandes joies là-bas. J'en ai eu également ici depuis mon retour, car on est parfait pour moi. Eh bien, je n'étais réellement heureuse que quand je vous ai vu arriver là tout à l'heure. Alors oui, j'étais contente. C'était complet. Maintenant, je me sauve. » Elle se leva et lui tendit la main. « Vous reverrai-je ?»« Je ne sais vraiment pas, » dit Lionel. « Nous venons de passer tous 2 une heure enchantée. Ne pensez-vous pas que tout ce qui serait de la vie réelle romprait le charme ?»« C'est possible, » dit-elle très doucement, « comme vous voudrez. » Et il disparut dans un couloir. Monsieur de Rias sortit du théâtre et prit le chemin de son hôtel en proie à une violente agitation d'esprit. Il était loin d'être insensible aux séductions de l'aventure, qui paraissait assez clairement s'offrir à lui. Ses espérances de bonheur légitime et domestique n'étaient plus que d'amers souvenirs. Comment n'accepterait-il pas cette agréable diversion qui venait l'arracher à son foyer désert et découragé, et cependant il hésitait. Il comprenait que cette défaillance morale pouvait être décisive dans sa vie. Céder à cette tentation, c'était mettre lui-même la main à son naufrage et le rendre irrémédiable. Car enfin, ce qu'il avait espéré du mariage, ce n'était pas le bonheur seulement, c'était aussi le respect de lui-même, la bienséance de sa vie, la dignité de son âge mûr. Parce que le bonheur lui manquait, allait-il donc abandonner tout le reste à la dérive? Allait-il laisser les passions de la jeunesse reprendre tardivement sur lui leur empire, pour se transformer peu à peu en désordre de mari libertin et en vice de vieillard. Sa femme était sortie ce soir-là comme à peu près toujours. Elle était allée au bal avec sa mère. Il ne pouvait donc chercher auprès d'elle ses inspirations. Mais il pensa à ses enfants qu'il aimait, et à qui l'honneur de sa vie n'importait pas moins qu'à lui-même. Ce fut à leur berceau qu'il résolut de demander conseil. Il avait coutume, quand Madame de Rias n'était pas chez elle, de passer dans sa chambre pour gagner celle de ses enfants. Il traversa donc l'appartement de sa femme. À sa vive surprise, il vit qu'elle était rentrée, et probablement depuis longtemps déjà, car elle était couchée et elle dormait. Elle dormait, un bras replié sous sa tête. L'image pâle et ardente de la comédienne, qui avait suivi Lionel jusque-là, disparut tout à coup devant cette tête charmante, pure et calme comme une fleur. Il s'arrêta et la regarda. Son cœur s'attendrit, et il sentit rentrer à flot l'amour et la confiance. Non, tout n'était pas perdu. Sur ce front chaste, dans ce sein que soulevait à peine un souffle d'enfant, c'était l'honnêteté et la vérité même qui respiraient. Pourquoi donc désespérer? Qu'y avait-il entre eux? Rien. Quelques nuages, quelques malentendus qu'une parole, une minute d'affection, un élan du cœur dissiperait à jamais. S'il essayait, s'il lui disait « Écoutez-moi, ma chérie, je vous aime et vous m'aimez. Nous sommes d'honnêtes gens, tous deux. Nous avons le bonheur entre les mains. Et cependant il nous échappe, hélas. Pourquoi? Cherchons ensemble, voulez-vous ?» Il s'approchait quand elle s'éveilla soudain. Son regard, vaguement étonné d'abord en rencontrant les yeux de son mari, prit presque aussitôt une expression d'inquiétude et même d'alarme. Ses sourcils se plissèrent légèrement, et elle se rejeta un peu en arrière dans une attitude de timide défense. M. de Rias devint subitement fort pâle. Une froideur rigide glaça ses traits, et souriant amèrement. « Oh, ne craignez rien, » dit-il, « j'allais chez mes enfants. Je ne vous savais pas rentrer. C'est un miracle, en effet, que vous le soyez à cette heure-ci. Et permettez-moi de vous dire, puisque l'occasion s'en présente, que vous vous dissipez beaucoup. Vous n'êtes plus chez vous ni le jour ni la nuit, c'est un peu trop. » « Si vous y étiez vous-même plus souvent, » dit la jeune femme, « vous sauriez que mes enfants m'occupent tous les jours jusqu'à 3 heures, et que je ne sors jamais le soir avant de les avoir couchés. Mes devoirs remplis, je me distrais comme je peux. Je vais dans le monde où vont toutes les femmes de ma condition. Vous y faites le mal, moi non. Vous ne voulez pas m'y accompagner, vous ne voulez pas que j'y aille seule. Vous ne voulez plus, à ce qu'il paraît, que j'y aille avec ma mère. Que voulez-vous donc? Que je sois un meuble dans votre maison, un meuble qui ne sente rien, qui ne pense à rien, qui n'agisse pas, qui soit là, toujours immobile et inerte, à attendre votre très rare présence et votre bon plaisir. Si c'est là ce que vous voulez, dites-le. » « Je ne veux rien, » dit Lionel d'un ton de froid dédain. « Adieu, Marie. » Et il sortit de la chambre. Il y avait eu dans son adieu un accent si sérieux et si profond que la jeune femme en comprit soudain la signification suprême. Ils étaient séparés. Elle eut un geste de désespoir. Elle se souleva à demi. Elle était prête de s'élancer, de rappeler d'un cri celui qui s'éloignait, celui qu'elle avait tant aimé, et qu'elle aimait encore par-dessus tout. Puis, saisie d'une sorte de convulsion de douleur, elle plongea sa tête dans ses oreillers et y étouffa ses sanglots.